Depuis que je suis arrivé en Abitibi vendredi, il y a un paquet de souvenirs qui me reviennent à l'esprit. On oublie des choses, hein? 10 ans, 15 ans, 20 ans passés. Ça fait 20 ans que je suis venu en Abitibi en 88. Et là, on a serré des choses dans le fond de la caboche en arrière. Puis d'un coup, quand on voit certaines personnes, certaines maisons, certaines rues, il y a des souvenirs qui reviennent. Ce souvenir vient. Donc, c'était agréable et j'ai des bons souvenirs, vraiment des bons souvenirs de ce que j'ai fait ici avec vous. Et on réalise des choses en vieillissant. Et une des choses que je réalise le plus dans ma vie personnelle, c'est qu'on est un miracle de Dieu. Nous sommes un miracle de Dieu. Et des fois, les gens disent, tu crois-tu au miracle? Ben oui, je me regarde dans le miroir tous les matins, je suis un miracle de Dieu. On est des miracles de Dieu, nous autres, les enfants de Dieu. Et ça, c'est réconfortant pour nous et c'est encourageant de se rappeler ça. Et pendant que tout à l'heure on chantait, je me suis dit, on est une gang de miracles ici un matin qui font quelque chose pour Dieu. Et le nombre. Ça n'a aucune importance pour Dieu. Dieu est aussi réjoui ce matin par ce qu'on a fait ici que par l'église de MacArthur sur 10 000. Ça change absolument rien dans le cœur de Dieu. Il y a autant de joie de nous voir chanter que de voir chanter les autres, hein, dans le monde entier. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc ce matin, je vous emmène les salutations de Denise en passant. Elle avait un décès dans sa famille, donc elle est partie. Mercredi soir, elle est descendue voir la famille. Un ex-beau-frère qui est décédé dans un accident d'automobile. Donc, Denise voulait aller passer du temps avec sa soeur, même si c'était peu avec les enfants. Donc, c'était parti pour quelques jours. Là. Et comme Michel l'a dit, on a pris une retraite du ministère en septembre. Pas une retraite de servir Dieu, vous savez, c'est ça comme nous, on sert Dieu toute notre vie. Mais une retraite du ministère, dont j'ai dit au comité de l'offre française avec lequel j'ai travaillé pendant 30 ans, je ne continue pas à implanter d'autres églises. J'ai terminé avec Mont-Tremblant, c'est ma dernière. Et donc, je ne veux plus être responsable d'une église. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler dans les églises, mais je veux être responsable d'une église. Et moi et Denise, on a à cœur de retourner parmi notre famille à Victoriaville. Depuis plusieurs années qu'on avait ça à cœur. Nos familles sont, à Denise et à moi, sont de plus en plus ouvertes à l'Évangile. Donc, on veut aller vivre avec eux autres pendant une dizaine d'années, parce qu'on est tous, toutes nos deux familles, on est tous des gens entre 55, 58, aller à 70. Fait qu'on est tous à la pré-retraite ou à la retraite. Donc, on veut passer du temps ensemble et on veut. Être des témoins pour Dieu parmi nos frères et sœurs. Parce que quand on est parti il y a 20 ans de Victoriaville, ils ont fait une fête parce qu'on partait aussi. Fait que maintenant, ils sont contents qu'on retourne. Donc, on va retourner avec eux autres. Il y a bien des choses qui ont changé en s'en allant. Mais on est encore des enfants de Dieu qui veulent jeter un peu de lumière. Excusez, jeter un peu de lumière dans leur vie. En espérant qu'ils vont se tourner vers le Seigneur. Vous allez tourner avec moi ce matin dans l'évangile de Jean. Avez-vous déjà entendu l'expression c'est pas facile de mettre les souliers d'un autre, vous embarquez dans ses souliers. Ça veut dire qu'il n'est pas facile à imiter ou à prendre la place. Et c'est pas toujours évident quand on dit que le Seigneur Jésus est notre modèle. C'est pas que j'avais déjà arrêté puis commencé à méditer là-dessus. C'est pas un modèle facile à imiter. Et je sais pas si j'avais déjà entendu. J'ai déjà entendu de non-chrétiens et de chrétiens. Ouais, mais lui était Dieu. Ouais, mais lui était parfait. Faut que je l'imite, mais il me semble que pas facile. Il faisait pas de péché, il était parfait, il était Dieu, il faisait des miracles. Quand Jésus se présentait à quelque part dans une ville, il emmenait les gens par 10 000 le voir. J'aurais aimé ça, moi, que les gens fassent ça, puis ils viennent me voir, tu sais, puis amènent. Ouais, j'aurais pu prêcher. Mais pour moi, c'était pas de même, ça se passait dans ma vie personnelle. Et des fois, on a de la misère à faire le lien, me dire, oui, c'est mon modèle, mais il me semble qu'il est tellement au-delà de ce que je vis dans ma routine de tous les jours. Et des fois aussi, on dit que Paul, il va dire dans la parole, soyez mes modèles, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même du Seigneur ou de Christ. Et quand on regarde Paul, lui non plus, il n'est pas facile à chausser les souliers. Hein? Pas facile lui non plus. C'est un gars qui c'est un génie. J'ai lu des articles de l'université qui disent que Paul, même s'ils ne sont pas croyants, ils voient Paul comme un génie. Un peu comme Jonathan Edwards, si vous avez déjà entendu parler de lui. Lui aussi était un génie, un chrétien, mais un génie. Et Paul avait un tempérament, une personnalité. Il a écrit 3/4 du Nouveau Testament. C'est un homme. Des fois, on le regarde, on dit, ouais, mais il était tellement brillant, tellement intelligent, il a une personnalité tellement forte. Pas toujours facile de regarder et de dire, je vais faire comme Paul. Pas facile. Fait que ce matin, on va regarder, on va descendre ça un petit peu, on va regarder un homme qui avait une vie qui nous ressemble plus, mais qui est aussi cité dans le Nouveau Testament. On va le regarder comme quelque chose qu'on pourrait imiter dans notre vie, quelqu'un qu'on pourrait regarder et dire, ben, c'est un gars comme moi, ça. C'est un gars du Rhin, c'est un gars de la rue, pareil comme moi. Et c'est un pécheur, pareil comme moi. C'est un homme qui... a vécu une expérience comme la mienne et il me semble que je pourrais faire comme ça pour le Seigneur aussi. Il me semble que je pourrais faire comme lui. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, je ne sais pas si je vous avais dit chapitre, je ne pense pas, hein. Chapitre 9, vous avez l'histoire, peut-être une histoire que vous avez connue ou déjà lue probablement dans vos lectures. Le chapitre 9 de l'Évangile de Jean a été écrit. Le but premier pour lequel ça a été écrit, c'était pour démontrer la divinité de Jésus-Christ. C'est ça le premier but que Jean a écrit. Mais nous, on va la regarder sur un petit peu un autre angle. On va la regarder sur comment Jésus-Christ a démontré sa divinité et quelle réaction, qu'est-ce qui s'est passé par après. Parce qu'on va voir que pour nous autres aussi, Jésus a intervenu dans notre vie et a démontré sa divinité en faisant un miracle dans notre vie. Le fait qu'on ait un miracle, c'est parce qu'il y a quelqu'un de divin qui est intervenu dans notre vie. Donc, le fait que vous pouvez dire que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des héritiers du ciel et de la terre, c'est parce que il y a quelqu'un de divin qui agit dans votre vie. C'est pas quelqu'un d'humain qui agit dans votre vie, c'est quelqu'un de divin. Ici, c'est ce qu'on va voir, que quelqu'un de divin, que la personne de Jésus, parce que mais les gens qui ont vu Jésus agir, à ce moment-là, ne croyaient pas qu'il était divin. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire. Et finalement, cet homme-là qui va, de façon privilégiée, recevoir l'action de Jésus dans sa vie, lui, il va croire qu'il est divin, puis il va faire de quoi avec ça. Et nous autres, c'est la même chose pour nous autres dans notre vie. Et c'est spécial. Donc, ça va être l'histoire de l'aveugle né qui a été guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Et on va regarder ça pour nous autres dans le contexte de qu'on est des témoins. Comme j'ai intitulé mon message, un simple témoin. Un simple témoin. Et on va regarder ça que nous aussi, on peut faire comme cet homme-là, être de simples témoins. On va lire ensemble du verset 1 jusqu'au verset 7, si vous voulez bien. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? » Pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Et il alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Pour être un témoin, pour pouvoir me donner le nom de témoin, il faut que j'aie observé quelque chose. Il faut que j'aie vécu quelque chose. Il faut que j'aie entendu quelque chose. Si vous êtes appelé en cours parce que vous êtes un témoin, puis vous arrivez en cours, vous dites, je connais pas rien de cette histoire-là, moi. Ils vont vous dire, mais tu peux pas être un témoin. Si vous êtes appelé en tant que témoin, c'est parce que vous avez soit vu quelque chose, soit vous avez entendu quelque chose, soit que vous avez peut-être juste ressenti quelque chose, mais vous avez quelque chose à dire sur l'action ou l'événement qui est jugé. N'est-ce pas? Ici, si on veut être des témoins de Jésus, c'est parce que on sait quelque chose, nous autres. On a vu quelque chose. On a entendu quelque chose d'une façon quelconque. Parce que si on n'aurait pas vécu quelque chose avec Jésus, on ne pourrait pas être un témoin de Jésus. Cet homme-là ici va être un témoin parce que Jésus a décidé d'intervenir dans la vie de cette personne-là. Remarquez bien, ce n'est pas l'aveugle qui va vers Jésus, c'est Jésus qui est venu vers l'aveugle. Jésus, en passant, il a vu un aveugle de naissance et a décidé d'arrêter et d'intervenir dans sa vie. Il intervient et il dit quelque chose qui est vraiment formidable. Il dit, c'est pas important qu'est-ce qui est arrivé en arrière, c'est pas ses parents, c'est pas lui. Il dit, au verset 3, « Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » C'est dur à comprendre, ce petit bout-là, un petit peu. Il dit, s'il est pécheur et qu'il est aveugle, c'est pas à cause que ses parents, c'est pas à cause qu'il lui a fait de quoi, c'est que Dieu veut manifester quelque chose. Il veut l'utiliser comme un instrument pour se manifester. Je vais toujours demander la question, pourquoi est-ce que Dieu avait laissé le péché entrer dans le monde? Pendant que j'étais athée, avant de me convertir, hier soir, moi, quand j'étais athée, avant d'être chrétien, puis même après être chrétien, je me suis posé la question longtemps, pourquoi est-ce que Dieu a laissé rentrer Satan dans le paradis? Pour qu'il vienne tenter Adam et Ève. Il dit ici, afin qu'il puisse manifester ses œuvres ou sa personne ou sa gloire. Moi, je me sens, je m'étais dit, si j'avais été Dieu, le Satan, là, j'aurais manché à la fin, il n'aurait pas raté dans le paradis. Puis il n'aurait pas venu tenter à derrière. Il me semble que j'aurais fait ça si j'avais été Dieu. Dans ma tête, ça, je me disais. Mais comment pouvait-il se manifester si ça n'aurait pas arrivé? Il a permis ça, il a voulu ça, il a planifié ça, comme ça, et il dit, maintenant que ça, c'est là, je vais utiliser. Moi, j'ai toujours dit, Dieu ne veut pas le péché. Il ne veut pas le péché. Mais es-tu donc bon pour l'utiliser pour sa gloire? C'est vous ce qui me réjouit le plus? Même si Dieu ne veut pas que je pêche, il utilise mes péchés pour se glorifier. C'est dur des fois à comprendre, hein? Mais soyez pas trop déprimés. Dieu ne veut pas le péché. Mais il va utiliser vos péchés pour se glorifier. Le plus grand péché de l'humanité, c'est d'avoir tué Jésus. Puis c'est ça qui lui donne toute la gloire. C'est comme ça qu'il va se glorifier pendant l'éternité. Pourtant, c'est le plus grand péché qui a eu lieu sur la terre. Et Dieu l'utilise pour se glorifier pour toute l'éternité. Parce que c'est un péché de tuer Jésus, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un péché. Mais pourtant, il va s'en servir pendant toute l'éternité. Et à cause de cet acte-là, notre péché, les anges, les saints, par millions, pendant toute l'éternité, vont chanter la gloire de Dieu. Et nous autres, on est pareil, on est comme cet homme-là, cet aveugle-là, qui était aveugle par le résultat du péché, n'est-ce pas? Parce que si l'homme n'avait pas péché, si la femme n'avait pas péché, il n'y en aurait jamais eu d'aveu. Il n'y aurait jamais eu d'aveu. Mais le péché a emmené des maladies, toutes sortes d'affaires dans le monde, de la mort, et a emmené l'aveuglement de cet homme-là. Le péché a fait ça dans sa vie. Parce que Dieu a dit, si tu pèches contre moi, tu vas mourir, tu vas être malade, tu vas mourir, tu vas vieillir, tu vas être malade. Et Dieu dit, maintenant, je vais m'en servir de ce péché-là pour manifester qui je suis, moi. Pour manifester mes œuvres. Et quand vous êtes déprimé un petit peu, vous pensez que vous n'êtes pas un bon chrétien, ça ne vous arrive pas, vous autres, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Rappelez-vous que Dieu va se servir de vous pour manifester ses œuvres. Il va vous utiliser pour manifester ses œuvres dans le monde. Ici, à cause que cet homme-là est aveugle et que Jésus va intervenir dans sa vie, Dieu va tirer une gloire de ça. Et il va s'approcher de cet homme-là et il va intervenir. Il va faire de la salive, il va faire de la boue, dire avec sa salive, et il va mettre ça, de la boue dans ses yeux, et il va dire, va au réservoir de Siloé. Quand j'étais allé en Israël, il y a une vingtaine d'années, j'avais pris ce passage-là, et je me suis rendu au réservoir de Siloé. J'étais allé au réservoir de Siloé. Il existe encore. J'étais allé là. Je me suis mis sur le bord. Puis j'ai pris le vent neuf, puis j'ai lu ça. Puis j'ai dit, bonhomme-là, il est venu ici. Puis il a pris de l'eau ici. Pas la même eau, hein. Ah, cool, là, ça va. Hein? Il s'est lavé ici. Puis là, du coup, il a vu clair, physiquement. Jésus était intervenu dans sa vie. Par pure grâce, par pure bonté, par pure miséricorde, il a guéri cet homme-là de son aveuglement physique. Et il va être un témoin, premièrement, parce que Jésus est intervenu dans sa vie. Sans ça, il ne pourra pas être un témoin. Et vous et moi, on ne pourrait jamais être un témoin de Jésus si Jésus ne serait pas intervenu dans notre vie. Mais il a décidé d'intervenir. Moi, avant que je connaisse le Seigneur Jésus-Christ, j'étais un petit cultivateur dans le fond d'un rang à Saint-Louis-de-Tinouic. Je n'aimais pas Dieu. Je me foutais de Dieu. Je ne cherchais pas Dieu. Je ne voulais rien savoir de Dieu. Ça ne m'intéressait pas, Dieu. Ma femme est un petit peu pratiquante catholique. Quand le curé venait, avant qu'elle rentre dans la cour, j'ouvrais la porte. Je ne veux rien savoir de vous! Je refermais la porte. Je n'ouvre pas la porte. J'étais bête de même. Tout ce qui était religieux, ça me puonnait. Tout ce qui était religieux, me puonnait. Quand les témoins de Jéhovah venaient à ma porte, j'ouvrais la porte à peu près de 6 pouces, puis je dis, vous êtes des témoins de Jéhovah? Ils disaient, oui, je refermais la porte. Je ne parlais pas avec personne qui parlait de Dieu. C'était bien sûr qu'elle ne me parlait pas de Dieu. Pourtant, Jésus est venu dans ma vie me chercher. Je ne cherchais pas. Je voulais rien savoir. Je ne m'intéressais pas. Mais Dieu, dans sa sagesse, est allé sauver mon petit frère. Et là, moi, j'ai appelé mon petit frère pour qu'il vienne m'aider. Et le Seigneur a dit, je t'ai pris, je t'ai joint tôt. je t'ai envoyé quelqu'un que tu connais, que tu ne pourras pas mettre la porte dehors, tu ne pourras pas fermer la porte. Il est intervenu dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un témoin. Donc, si vous dites que je suis un témoin de Jésus, c'est parce qu'il est intervenu dans votre vie d'une façon quelconque. Et moi, je vous dis, c'est ma conviction profonde. Quand Jésus intervient dans la vie d'une personne quelconque, il devient un témoin pour toujours. Il ne peut pas s'empêcher d'être un témoin. Il ne peut pas. C'est pour ça que je crois que vous êtes tous des témoins. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est plus fort que nous. On dit souvent que celui qui est en nous est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Donc, celui qui est en nous est-tu plus fort que vous? Pouvez-vous? S'il vous plaît, j'aimerais ça, oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai lu un livre dernièrement qui m'avait été passé par des chrétiens. Et dans un des paragraphes, le chrétien avait écrit Dieu, Jésus va faire ça en nous si nous lui permettons. Il a marqué ça dans son livre. J'ai marqué dans la marge, c'est qui est boss? Lui ou moi? Je pose la question à vous. Qui est boss? Vous ou Dieu? C'est Dieu. Êtes-vous capable de dire non à Dieu, de résister à Dieu? Vous autres, êtes-vous plus fort que Dieu? Ben non! Non, sauf qu'on pêche contre sa volonté. Ça fait quelque part, là, c'est un choix que Dieu oui. Pas. Mais lui, il va te laisser faire, mais à cause qu'il est plus fort, il va s'en servir pour se glorifier. Vois-tu? Donc, il ne va pas t'empêcher, mais parce qu'il est plus fort, il va s'en servir, il va te montrer, il va te convaincre, puis il va s'en servir pour t'instruire souvent, il va t'en servir pour manifester sa gloire de grâce. Une fois, il y a un homme qui me dit, « Comment sais-tu que Dieu est bon? » Il dit, « Regarde-moi, il m'aime, je suis un pécheur. Si j'étais parfait, les gens n'auraient pas compris que Dieu soit bon. Mais vu qu'il m'aime et que je suis un pécheur, je pouvais lui dire, Dieu est bon, il m'aime et que je suis un pécheur. » Mais si j'étais parfait, c'est normal qu'il m'aime, n'est-ce pas? Pas besoin d'être bon pour aimer quelqu'un qui est parfait. Mais pour aimer un pécheur, un ennemi, c'est ça qu'il va dire dans Matthieu 5, « Soyez bon comme votre Père Céleste est bon, parce qu'il vous a aimé, et vous étiez ses ennemis. » Vous êtes des preuves, je suis une preuve ouverte de la bonté de Dieu. Puis je me suis servi plus souvent de ça dans ma vie pour... Merci, Rosemary. Je me suis servi de ça dans ma vie plus souvent pour témoigner que d'essayer de témoigner à partir de ce que je faisais de bien. Je me sers plus souvent de mes difficultés pour témoigner que de ma capacité d'obéir. Des fois, les chrétiens, on pense que si on obéirait, ce serait des meilleurs chrétiens, entre guillemets, qu'on serait plus capable. Mais moi, je vous encourage à regarder peut-être d'utiliser vos faiblesses pour témoigner. Au lieu de les cacher aux inconvertis, vos faiblesses, on a cette tendance-là, hein, de se mettre des masques et de montrer qu'on est quelqu'un de bien. Plutôt, utilisez vos faiblesses pour témoigner. Vous en avez bien plus que d'autres choses. C'est moins dur à trouver que des bonnes actions, on dirait, des fois, dans nos vies. C'est impressionnant. Je vous dis, c'est dur, des fois, les premiers temps qu'on fait ça, là, on a une drôle d'impression. Mais que les inconvertis vous entendent dire, j'ai de la misère avec ça, j'ai des difficultés avec ça. Pour moi, là, je désobéis à Dieu dans ces domaines-là de ma vie encore. Et les inconvertis vont avoir les oreilles plus ouvertes que si vous essayez de leur dire que vous êtes une bonne personne, que vous ne faites jamais de mal. Dieu connaît votre cœur plus que vous, fait qu'il n'est pas surpris. Et c'est ça qui me... Des fois, je dis souvent, Dieu a la capacité de prendre des patates pourries et faire une bonne tarte avec ça. Une bonne tarte avec ça. Il nous a pris, nous autres, des êtres humains corrompus, ennemis, et il a décidé, dans sa souveraineté, d'utiliser ces êtres-là pour se glorifier. Et nous sommes là. Donc, cet homme-là, qui était un aveugle-né, qui était assis là, un pauvre quêteux, qu'on dirait en québécois, il mendiait. Il était là, puis il savait pas ce qui se passait dans sa vie cette journée-là. Mais dans sa souveraineté, Dieu, dans sa grâce, il passait là, puis il a décidé, toi, tu fais partie de mon plan, et je t'ai choisi. On va faire quelque chose avec toi. Je vais me glorifier. C'est pour ça que je vous ai dit hier, quand Jésus vous a sauvé, c'était pas pour aller au ciel. Ça, c'est juste un effet secondaire. Quand il vous a sauvé, il dit, voici, je vais prendre François, Je vais prendre René, je vais prendre Chantal et je vais me glorifier avec ça. J'aime ça, bébé. Ça, j'aime ça. J'aime ça. Il y a une émission en anglais qui s'appelle Roadshow. En tout cas, c'est une émission qui montre des antiquités, tu sais, des vieux meubles, des peintures. Et on prend des peintures, des fois, pour les mettre sur les murs, puis on dit. Et là, le gars qui a fait la peinture est mort, ça fait longtemps. Mais on en parle encore. On le glorifie, le peintre. On parle de lui comme étant un bon peintre, puis tatata, puis tatata. Nous autres, on est des peintures de Dieu. Si on peut dire ça comme ça. Dieu nous met sur le mur. Puis il dit, voilà, je vais vous dire qui je suis. Regardez la peinture que j'ai faite, vous allez savoir qui je suis. Et cet homme-là, ici, va être utilisé par Jésus, ce qu'on aurait appelé dans la société de son temps, quelqu'un de très ordinaire. Qu'est-ce que les gens pensaient de lui? Ça doit être un pécheur, ça. Il doit être pas mal plus pécheur que moi, parce qu'il est au monde aveugle. Il était regardé comme quelqu'un d'insignifiant. Puis même spirituellement, peut-être plus tordu que les autres un petit peu. Parce qu'il était aveugle. C'est-tu lui ou ses parents qui ont péché? Et vous, comment est-ce qu'il réfléchit, qu'il pensait? Jésus dit, je vais m'en servir, je vais me glorifier. Est-ce que ça peut venir de l'Ancien Testament ou est-ce qu'il y avait un enseignement que générations seront... Parce que pour les Juifs, un malade, un aveugle, un infirme, c'était une malédiction de Dieu. Qui était là à cause du péché. C'était vrai, parce que c'était le sens qu'il était aveugle à cause du péché qu'on a dans l'entour de nous. Mais Dieu a décidé d'utiliser ça pour se glorifier. Donc, nous allons être des témoins seulement si Dieu est intervenu dans notre vie. Puis des fois, je dis à des chrétiens, des gens, en tout cas qui sont dans nos églises, qui ont tellement de misère, puis je leur dis. La question que je te pose, c'est est-ce que Jésus est intervenu dans ta vie? Il me semble que si ce que tu me sors comme problème, ce que tu dis, ça ne colle pas avec le fait que Jésus soit intervenu dans ta vie. Des fois, il y a des gens qui ont tellement de problèmes dans la vie spirituelle que la question, ce n'est pas à se poser pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes, c'est est-ce que Jésus est intervenu dans sa vie? Parce que quand Jésus intervient dans la vie de quelqu'un, c'est phénoménal. Ça ne peut pas passer inaperçu. On va le voir ce matin ici. Donc, il est un témoin, premièrement, parce que Jésus est intervenu dans sa vie. Puis, si vous dites, Jésus est intervenu dans ma vie, donc vous êtes un témoin. On ne peut pas faire autrement. Vous êtes un témoin de Jésus. On ne devient pas un témoin de Jésus. On est un témoin de Jésus. C'est notre nature. On est comme ça. Ça fait partie de notre vie, ça. J'ai pas besoin de te le demander. C'est ça que tu es. J'ai pas besoin de demander à un oiseau de voler. J'ai pas besoin de demander à un chien de japper. Il jappe parce qu'il est un chien. Et nous, Jésus est intervenu dans notre vie. Donc, on est des témoins. Ça fait partie de nous, ça. On est comme ça maintenant. Et on va voir maintenant la deuxième raison pourquoi il est un témoin de Jésus-Christ. Vous allez voir que il est un témoin et qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il va passer à l'action? Le verset 8, c'est que maintenant qu'il est devenu un témoin, il va avoir des questions qui vont venir dans sa vie. L'entourage de cet homme-là va donner à cet homme-là des occasions de rendre témoignage. Moi, je vous dis, cherchez pas à créer des occasions autant que d'utiliser les occasions qui sont là. Et cet homme-là, ici, il va vivre cela, il va recevoir, il va goûter la bonté de Dieu, il va vivre la bonté de Dieu, parce qu'il est devenu, maintenant, il voit clair. Et aussitôt qu'il voit clair, son entourage va le forcer, entre guillemets, à témoigner. ne cherchera pas de lui à témoigner. C'est son entourage qui va le provoquer à témoigner. Et on a au verset 8, si vous voulez y tourner avec moi, on va lire. Ses voisins. Hein, ses voisins. Les gens qui le connaissaient. Les gens qui le côtoyaient tous les jours. Ses voisins. Tout à l'heure, on va voir sa famille, ses amis, ses gens autour de lui. Sont. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous autres, là, si vous aviez été là? Hein, vous auriez fait la même chose qu'eux autres. Le gars, il était aveugle, puis il marchait comme ça. Le lendemain, il les yeux ouverts, puis vous allez dire, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on aurait fait, nous autres aussi. Donc, les gens qui le côtoient tous les jours vont lui donner l'opportunité de rendre témoignage. Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu, comme un mendiant, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Est-ce que c'est pas notre chum, notre voix, quelqu'un? C'est pas lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était tellement miraculeux qu'il ne comprenait pas. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, c'est pas lui. Mais il dit, ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est bien moi. Les gens avaient de la misère. Il était tellement surpris de le voir plus aveugle, de le voir clair, qui marche, ça doit pas être le bon gars. Ça doit être un sousie. Ça doit être un jumeau. C'était tellement impressionnant. Qu'est-ce qu'il vivait que les gens avaient de la misère à croire que c'était vraiment ce gars-là? Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Voilà la belle occasion qu'on attend tous, hein, en tant que témoin. Comment c'est arrivé dans ta vie, ça? Et regarde bien la simplicité de cet homme-là. C'est pas un théologien, le gars-là. Ça fait combien de temps qu'il est sauvé, là? Ben, pas sauvé, mais guéri. Mais ça fait de temps? Juste quelques heures, là. Juste quelques heures. Mais tout de suite, il va devenir un témoin. Il va témoigner de ce qu'il sait, c'est tout. Il ne peut pas dire plus qu'il sait. On va le voir tout à l'heure. Il va le dire bien simplement. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je ne sais pas. Mais je vais dire ce que je sais. Vous savez, le Seigneur Jésus ne vous demandera jamais de dire ce que vous ne savez pas. N'ayez pas peur. Il faut juste dire ce qu'on sait, pas plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas développer ce qu'on sait. Mais il ne demandera jamais de dire ce qu'on ne sait pas. Puis il ne nous en veut pas, là. On est là où ce qu'on est, là. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que cet homme-là puisse dire plus. Il avait rencontré Jésus juste quelques minutes. Au verset 11, il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il a ouvert mes yeux, il m'a dit, « Va au réservoir Siloé, lave-toi, je suis allé, je me suis lavé et je vois. » C'était-tu un bon témoin? Y a-tu vraiment dit ce qui est arrivé? Ben oui! Pas bien compliqué, hein? C'était pas compliqué. J'ai rencontré quelqu'un qu'on appelle, hier, on est des témoins de quelqu'un. Pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Le gars qu'on appelle Jésus, que vous connaissez tous, m'a mis de la boîte d'en face, en québécois. Il m'a dit, va te laver là-bas, là, au réservoir de Siloé, et tu vas voir clair. Et c'est ça que j'ai fait, puis je vois. Un témoin. C'est ça que c'est un témoin. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un témoin. Un simple témoin. Il fait juste répéter qu'est-ce qu'il a vécu. Juste répéter. Il le fait à ses amis, à ses proches, les gens qui l'entouraient. Ils lui ont posé la question. Là, nous autres, on a une occasion aussi. C'est peut-être arrivé des dizaines, des centaines de fois. Tu as rencontré toutes sortes de monde alentour qui l'avaient vu là pendant des années mendier. Tout d'un coup, qu'il le voyait en ville, partout, qu'il voyait clair maintenant. Peut-être qu'il s'est fait poser la question bien des fois, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment c'était arrivé? Comment ça tu vois clair maintenant? Il a dû se faire poser la question bien des fois. Je suis convaincu qu'à chaque fois, il a répondu ça. Le gars qui s'appelait Jésus m'a fait de la boîte, puis il m'a dit, va te laver, puis je suis allé me laver, puis je vois clair. Probablement, tu as raconté cette histoire-là même à des nouveaux qui rencontrent. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'était... pour moi, être un témoin, c'est simple. Parce que je raconte aux gens qu'est-ce que quelqu'un m'a fait. Pas qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que quelqu'un m'a fait? Fait que témoigner, ce n'est pas de parler de soi, c'est de parler de quelqu'un qui a fait des choses pour moi. Et cet homme-là, il l'a fait dans une simplicité quasiment enfantin. Quasiment enfantin. Mais ça n'a pas arrêté là. Au verset 12, ils lui dirent, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il est. Il n'a pas assez de dire ce qu'il ne savait pas. Il a juste dit, je ne sais pas ce qu'il est rendu. Il m'a mis de l'eau de la boîte d'en face, il m'a fait laver. Je ne sais pas ce qu'il est rendu là. Puis il ne pourrait même pas le reconnaître parce qu'il ne voyait pas quand il a mis de la boîte d'en face. Fait qu'il l'aurait vu le lendemain, puis il a dit, qui toi? Il n'aurait même pas pu le reconnaître. Peut-être qu'il a reconnu le fond de la voix, les aveugles sont là, ils sont bons là-dessus, au son de la voix, peut-être. Mais il a juste le voir, il n'aurait pas pu le reconnaître, il ne l'avait jamais vu. Il dit, je ne sais pas ce qu'il est. Je ne sais pas ce qu'il est. Là, il va rendre témoignage, pas juste à ses proches, pour les gens qu'il connaît, mais il va aller au-delà de ça. Là, il va aller vers les étrangers. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. Et c'est une vieille redondante, hein, il répète la même chose à chaque fois. Il ne peut pas dire autre chose, c'est ce qu'il a vécu. Il fait juste dire qu'est-ce qu'il a vécu. Okay. Autant devant ses voisins, autant devant ses amis, ses proches, sa famille, il répète la même chose devant les grands érudits du peuple d'Israël, les pharisiens. Il n'a pas changé son histoire. Il n'a pas essayé d'impressionner les pharisiens parce qu'ils étaient très éduqués. Il n'a pas essayé de les impressionner avec une grande connaissance. Il a juste dit, j'étais aveugle, puis je ne voyais pas, puis Jésus m'a mis de la boîte d'en face, puis je suis allé me laver, puis je vois. Ils ont dû trouver ça un peu simpliste, les pharisiens. Mais lui, il n'a pas changé son témoignage. Votre témoignage est le même pour votre voisin que pour le premier ministre du Canada. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Il n'y a pas... Des fois, on a l'impression qu'il faudrait être plus, des fois, pour rendre témoignage. Il faudrait s'en savoir plus. Je crois que ici, on a l'exemple d'un homme qui va glorifier Jésus. Et cette histoire-là a été écrite dans le Nouveau Testament. Et ça fait 2000 ans que les gens la lisent, cette histoire-là. Jésus, es-tu glorifié assez à votre goût? On est 2000 ans plus tard, on est à la sorte. Et on en parle encore de cette histoire-là, à ce matin. Puis on glorifie encore Jésus de ce qu'il a fait à ce cas-là. Fait que, il s'est-tu glorifié? Hein? Ben oui, il s'est glorifié Jésus, puis il va se glorifier encore aussi longtemps qu'il ne va pas revenir. S'il y en a pour 2000 ans, ça va revenir. Et encore cette histoire-là, pendant un autre 2000 ans, va servir à glorifier Jésus. Un simple homme, pauvre petit mendiant, un rien de rien dans la société, un pauvre pécheur, Jésus s'en sert depuis 2000 ans pour se glorifier. C'est encourageant pour nous autres, hein? Encourageant pour nous autres. Il va nous utiliser, nous, pour se glorifier pendant des millénaires. Et on continue au verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, qui dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Là, on dit, pourquoi il dit ça, là, un coup sec, là? Pourquoi il dit ça, que c'est un prophète? C'est un prophète. Pourquoi il dit ça? Dans l'histoire, qu'est-ce qui nous fait penser ou voir que où est-ce que pigé les faits qu'il était un prophète? Hein? Un soir, il faisait des choses comme... Oui, c'est dans ce sens. Et c'est dans la tête des Juifs, vous vous souvenez de Nicodème? Il dit, tu es certainement un prophète ou un enseignant de Dieu parce que les miracles que tu fais, tu ne pourras pas les faire sans ça. Fait que lui, il a conclu dans sa tête, si ce gars-là fait des miracles, parce qu'il l'avait vécu, le miracle, hein, il l'avait vécu, il savait, lui. Fait qu'il dit, c'est un prophète, parce que les hommes ordinaires ne font pas ça. Que si lui fait, il m'a fait ce miracle-là, c'est un prophète de Dieu. Il a conclu ça dans sa tête avec sa petite connaissance qu'il a. C'est un prophète parce que mon voisin, il ne m'a pas guéri, ma mère ne m'a pas guéri, les médecins que j'ai vus ne m'ont pas guéri. Donc lui, c'est un prophète, c'est un homme spécial. C'est un prophète de Dieu. Au verset 18, dit, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Voyez-vous comment est-ce qu'ils peuvent réagir? Là, il dit, ben, c'est pas vrai qu'il était aveugle, et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il avait pu venir ses parents. Ils les interrogèrent, et disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Ils ne pouvaient pas être des témoins, eux, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu une intervention de Jésus dans leur vie. Ils n'étaient pas prêts à faire ça. Ils n'étaient pas capables de faire ça. Ils disaient, on sait que c'est notre gars. Ils ont rendu un témoignage. C'est notre gars. On sait qu'il était aveugle. Maintenant, ils voient, mais on ne sait pas comment c'est arrivé. Enfin, ils ne peuvent pas faire plus que ça. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas prêts à, comme ils disent juste après, ça marquait un... Ses parents disent cela au verset 22, parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Les autres ne sont pas prêts à mettre la tête sur le bio. À raconter ce que leur fils leur a dit. Ouais, à dire, ben on sait, là, notre fils, on le croit, là, c'est Jésus qui l'a fait, donc on vous dit que c'est Jésus, nous autres aussi. Ils ne sont pas prêts à dire ça. Parce que les autres n'ayant pas eu d'intervention de Jésus dans leur vie, ils ne sont pas prêts à mettre la tête sur le bio pour ça, là. L'autre, lui, il est prêt à le faire. L'autre, l'aveugle, il est prêt à le faire. L'intervention est tellement importante, tellement grande dans sa vie, tellement, on va le dire, miraculeuse, sensationnelle. Il est tellement, je pourrais dire, énervé et content de ce qui est arrivé, qu'il est prêt à mettre sa tête sur le bio. Vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ce que Jésus. C'est tellement grand, qu'est-ce qu'il a fait? On va vous le dire, vous faites ce que vous voulez. J'irai plus à la synagogue s'il faut. Mais c'est tellement grand ce qu'il a fait, je vais le dire. Mais les parents ne sont pas prêts à faire ça. Ils ne sont pas prêts à faire ça. Parce qu'il y a des conséquences de prendre position pour Jésus. Puis ils ne sont pas prêts à accepter ça parce qu'il n'y avait pas eu d'intervention dans leur vie. Pas eu d'intervention dans leur vie. Ses parents disent au verset 24, c'est pourquoi ses parents disent, il y a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Et regardez sa réponse. Sa théologie n'est pas tout à fait droite. Regardez ce qu'il répond. Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple, nous sommes des disciples de Moïse. » Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et là, il leur dit, nous savons que Dieu exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté. Il l'exauce. Et il me semble que j'ai sauté un petit bout que je voulais lire. Oui, OK. Il dit au verset 25, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Vous, sa connaissance de Jésus n'est pas grande, lui, là. Il est peut-être pécheur, je ne sais pas. Nous, on dirait, ben non, il n'est pas pécheur, Jésus n'est pas pécheur. Lui, il ne sait pas, il ne connaît pas plus que ça. Mais il dit ce qu'il sait. Je ne sais pas tout au sujet de Jésus, mais je sais une chose. Si j'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, je sais ça. Puis je sais que c'est lui qui l'a fait. Et à cause qu'il l'a fait, mais Dieu n'exauce pas les pécheurs, donc c'est un prophète de Dieu, donc il m'a guéri. Donc, il faut juste répéter, toujours la même chose. C'est ça, il ne va pas plus loin que ça. Et je pourrais vous dire combien de fois j'ai dit à des gens, je ne sais pas la réponse. Donne-moi du temps, je vais chercher. Je vais peut-être essayer d'en trouver une réponse à ça. Je ne sais pas. N'ayez pas peur de dire ça, je ne sais pas. Mais je vais dire ce que je sais. J'ai déjà dit un petit peu mon témoignage que quand mon frère est venu chez nous, moi j'étais un athée, donc lui était le petit jeune chrétien qui commençait. Puis là, j'y posais un paquet de questions par rapport à toutes sortes d'affaires, des grandes questions philosophiques de la vie. Il disait, je ne sais pas, mais je sais comment faire pour être sauvé, veux-tu me l'aider? Il m'a dit ça pendant 3 heures de temps. Pendant 3 heures de temps, il m'a dit, je ne sais pas, mais il dit, je sais comment faire pour être sauvé, veux-tu me l'aider? Mais je peux t'amener le pasteur la semaine prochaine, et si tu veux répondre à tes questions. Moi, je dis, je ne veux pas voir ton pasteur. Ben, il dit, moi, je ne sais pas les réponses, mais je peux te dire comment faire pour être sauvé. J'ai été sauvé, je peux te dire comment faire pour être sauvé. Mais tu l'aides? Il m'a répété toute la veillée. Il n'a pas répondu à mes questions, finalement. J'ai tout de même été sauvé pareil. Sauvé pareil. Mais pas tout, il ne m'a pas dit ce qu'il ne savait pas, il ne savait pas. C'est ça qui est bon de se rappeler. Je ne sais pas, tout simplement. Et ensuite, on va lire le verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Là, il va aller un peu plus loin. « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Maintenant, ça, moi, j'appelle ça la deuxième guérison. Maintenant, Jésus venait d'ouvrir ses yeux spirituels. Jésus, avant, il connaissait un prophète, un guérisseur. Maintenant, il voit que Jésus est le Fils de Dieu. Et il se met à l'adorer. Il est allé plus loin, là. Pensez-vous qu'il va être un témoin de ça aussi? Pensez-vous maintenant qu'il va commencer à dire aux gens, le Jésus qui m'a guéri, c'est le Fils de Dieu? Il me l'a dit! Il faut l'adorer maintenant, c'est lui qu'il faut adorer parce qu'il me l'a dit! Il va commencer à rendre témoignage de ce qu'il sait maintenant, mais il sait quelque chose de plus. Ce qu'il sait de plus, c'est que le Jésus qu'il a vu, c'est le Fils de Dieu. Puis Fils de Dieu, dans l'Évangile de Jean, c'est, il est un être divin. C'est ce que ça veut dire, l'Évangile de Jean. C'est un être divin. Moi, j'étais un humain parce que mon père est un humain. Mais lui était le Fils de Dieu parce que c'était le Fils de Dieu, parce que lui était aussi divin. Si son père est divin, lui est divin. Nous, on est des humains parce que nos pères étaient humains. Et il dit, je vais maintenant rendre témoignage de ce que je sais. Je sais une chose de plus. Il est le Fils de Dieu et je vais l'adorer. C'est un simple homme, comme vous et moi. Un petit rien de rien. Paul dit, il n'y a pas beaucoup de sages parmi vous, pas beaucoup d'intelligents, pas beaucoup d'hommes riches, pas beaucoup d'éduqués parmi vous. J'ai des petits gens bien ordinaires. Mais j'ai décidé de vous prendre, j'ai décidé de vous utiliser pour me glorifier. Il dit, tout ce que je vous demande, c'est de dire ce que j'ai fait dans votre vie. Et comme on a parlé un peu hier, si vous vivez votre vie chrétienne dans les ténèbres, parce qu'on vit dans les ténèbres, hein, on est dans le monde, il est impossible que les inconvertis ne vous posent pas des questions. Il est impossible qu'ils ne vous posent pas des questions. Si on vit notre vie chrétienne en tant que lumière, si on fermerait les lumières ici, puis tout d'un coup, on rouvre les lumières, il y a des gens qui vont se passer quoi, là? Et quand nous, en tant que lumière, parce qu'on est des enfants de lumière, quand on rentre dans le monde et qu'on vit dans le monde en tant que lumière, il y a des gens qui vont poser des questions. Mais comme dans l'histoire ici, il y a des gens qui vont réagir à ça. Bien, il y a des gens qui vont réagir mal. On peut pas, tu sais, on n'a pas le choix là-dessus. Ce n'est pas nous autres qui décident ça. Mais en rendant témoignage de Jésus aux jeunes, aux vieux, aux éduqués, aux non-éduqués, il y a des gens pour lesquels on va être une odeur de vie, comme Paul dit, puis pour d'autres, on va être une odeur de mort. On n'a pas de contrôle là-dessus. Mais on a un contrôle sur le fait qu'on rend témoignage, on dit qu'est-ce qui est arrivé. Il y a tellement de portes que Dieu prépare pour vous et moi. Il y en a tellement. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, François, veux-tu faire ça avec nous? Veux-tu faire ça? Non, je n'ai pas besoin. J'ai tellement d'occasion de témoigner, je n'ai pas besoin d'en inventer d'autres. Il y en a tellement à l'entour de nous. Cet homme-là, ici, n'a pas inventé quoi que ce soit. Mais ça, ce qui s'est passé dans sa vie, il a tellement transformé sa vie que les gens ont posé des questions. Je me souviens quand moi, j'étais arrivé dans ma famille avec ma petite bible bleue, second bleu en dessous du bras. Tout le monde a posé des questions. « Hey, l'athée, c'est quoi qui se prend? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant pour avoir une bible en dessous du bras? T'as jamais cru? T'étais contre Dieu avant? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? » J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai juste été témoin de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et certaines personnes nous ont rejetés, d'autres se sont convertis. C'est tout. Et aujourd'hui encore, comme cela, on va partout, on va dans toute notre vie qu'on vit de tous les jours. Notre vie est différente, donc les gens posent des questions. Notre vie est différente. On ne fait pas les choses pour les mêmes raisons. On ne fait pas les mêmes choses. Des fois, on fait les mêmes choses, mais pas pour les mêmes raisons. On a d'autres ambitions dans notre vie. On a d'autres rêves dans notre vie qu'eux autres. Donc, ils posent des questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis pas ça? Bien, parce que j'ai rencontré Jésus un jour dans ma vie. Et Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Et là, je leur parle de Jésus. Je vous encourage juste à faire ça. Vivez en tant que lumière que vous êtes, devant les inconvertis. Et c'est juste une question de temps. Ils vont vous poser des questions. Ils vont vous en poser. C'est sûr et certain. Mais chacun de nous, ça va se faire différemment, dans différents lieux, de différentes façons. Mais ils vont vous poser des questions. Essayons pas de créer des situations, mais plutôt essayons d'utiliser les situations dans notre vie pour rendre témoignage devant vos enfants, devant vos parents, devant vos voisins qui sont là, devant les gens autour de vous. Moi, j'ai travaillé cet hiver avec des jeunes pour toutes sortes de petites jobines. J'ai eu des dizaines d'occasions de rendre témoignage de Jésus parce que je leur disais des choses. Ils posaient des questions, on jase, puis on pose des questions, puis je réponds. Mais je réponds ce que je vis, je ne réponds pas ce que les autres vivent, je réponds ce que moi je vis. Donc, ça m'a donné des occasions de rendre témoignage à Jésus dans ces occasions-là. Des fois petites, des fois un peu plus longues, des fois plus longues. Mais on ne choisit pas toujours les temps. Mais on rend témoignage. Et à certains moments donnés, on rencontre une personne qui, elle, est ouverte. Et là, on peut aller plus loin et les emmener à se convertir au Seigneur. Un simple témoin. Un simple témoin. Prions ensemble. Notre Père du ciel, à nous aussi, tu as ouvert les yeux spirituels. À nous aussi, tu nous as donné le privilège de voir le juste, de voir le Fils de Dieu. À nous aussi, tu nous as donné le privilège de devenir le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Tu as fait de nous tes enfants, tes héritiers. Tu as pour nous une destinée merveilleuse. Et ce que tu as fait dans nos vies, ce miracle que tu as fait, nous a transformés d'une façon telle que le monde va s'interroger sur nos propres vies. Pourquoi est-ce que vous vivez comme cela? Donne-nous d'être de simples témoins de ce que tu as fait dans notre vie. Juste de parler de toi, comme cet homme a fait ici ce matin. Je ne sais pas un paquet de choses, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant, je vois. C'est au nom de celui qui nous a sauvés et aimés que nous te prions. Amen. Faites-vous des chants un peu, quelque chose? Non, ah, c'est fini là, ok. Non, non, non.